toi trouver l'essentiel, reprendre confiance en toi et regarde vers le ciel. Te donne la force nécessaire et la foi pour faire face.